Chapitre 26e. Au matin, elle s'éveilla tard, avec l'impression qu'elle avait une corvée devant elle. En réfléchissant, elle s'aperçut que cette corvée était le retour de son mari. Déjà, cette bonne journée d'hier n'aurait pas de lendemain. Comme après ses triomphes de théâtre, elle ne se souvenait plus de ce qui lui avait fait plaisir. Aussi écouta-t-elle avec un ennui marqué Florence lui apprendre que très probablement monsieur reviendrait par le train d'après-midi. Elle avait presque envie d'aller à Trouville. Elle se retint en pensant que si André arrivait en son absence, ce serait l'occasion d'une scène effroyable. Vers 2 heures, elle reçut un petit paquet apporté par un domestique sans livret qui se retira sans attendre de réponse. Elle se hâta de l'ouvrir et trouva un écrin qui contenait un médaillon avec une seule perle, d'une rare perfection. Une lettre de Saint-Cher accompagnait l'envoi. « Chère madame, vous nous avez causé hier un tel plaisir que je voudrais en consacrer le souvenir d'une façon éternelle. Ne pouvant y réussir que dans mon cœur, je vous prie pourtant de porter quelquefois ce médaillon en mémoire de votre dévoué serviteur, E. de Saint-Chef. » Ce n'est pas lui qui a rédigé cela, pensa Rose en laissant tomber le billet. Il en est absolument incapable. Elle regarda négligemment le bijou. En soulevant l'écrin pour l'y remettre, elle aperçut dessous une autre enveloppe. Celle-ci ne portait pas de souscription et n'était pas fermée. Elle y trouva un sonnet. Il n'était pas signé, mais elle y lut la signature mieux qu'en toute lettre. C'était Gérard Pornic qui lui parlait de son rêve. Elle le lut 2 fois, le replia et le mit dans son secrétaire. Puis, elle écrivit un billet très court qu'elle envoya immédiatement à Trouville par un messager sûr avec l'écrin. « Vous n'avez pas de meilleur moyen, cher monsieur, de graver dans mon souvenir l'aimable journée d'hier que de vous en rapporter à ma mémoire. Elle est fidèle et affectueuse comme moi-même, Madeleine André. » « Il sera vexé, » se dit-elle, « mais ça lui apprendra. Il se souvient trop de Rose Rosier et pas assez de Madame André. Pauvre garçon, il n'est pourtant pas méchant. » En effet, Saint-Chef ne fut pas content en revoyant son médaillon, mais comme c'était un bon garçon, il ne put s'empêcher d'admirer Rose plus que jamais et de le dire à tout venant. En apprenant cet événement, Pornic demanda à voir l'écrin. Il eut beau le retourner de tous côtés, il n'y trouva point ses vers. D'ailleurs, cela l'eût fort étonné. André rentra le soir très tard. Rose dormait, ou feignait de dormir, et respecta son sommeil. Le lendemain, en déjeunant, il lui fit part des détails de son séjour à Paris. Elle le laissa raconter avec une patience exemplaire, et attendit que le déjeuner fût fini pour procéder à une explication dont elle sentait l'urgence. « Moi, » dit-elle, de sa voix nette des jours de bataille, qui sonnait comme un clairon. « J'ai fait une superbe promenade à Clairefontaine. Vous connaissez cet endroit ?»« Non, » fit André. L'orage, que rien jusque-là ne lui avait fait pressentir, venait tout à coup d'envahir tout son horizon. « C'est assez loin, 5 à 6 kilomètres, par une belle route d'ailleurs, dans un vallon, où je n'ai pas besoin de vous dire qu'on trouve un ruisseau, le nom l'indique. Le lendemain de votre départ, Saint-Chef est venu ici, avec toute une bande. Il y en avait plein à Mail. Ils avaient amené des chevaux, pour vous aussi, et nous sommes allés déjeuner sur l'herbe à Clairefontaine. » André se leva et frappant des 2 mains sur la table. « Vous n'avez pas fait cela » dit-il. « Je l'ai fait, » répondit-elle en le regardant dans les yeux. « Qui voyez-vous de répréhensible ? Vous avez été seul avec ces hommes, en mon absence, avec leurs équipages, leurs domestiques. Vous avez déshonoré mon nom. » « Je n'ai rien déshonoré, » répliqua-t-elle d'un ton calme. « Je ne sais où vous prenez vos idées chimériques sur l'honneur. Une société de galants hommes, de gentils hommes, est venue nous proposer une innocente partie de plaisir. Vous étiez absent. J'aurais cru faire montre d'une pruderie ridicule en refusant de les accompagner. La simple politesse m'ordonnait, à défaut de les suivre, de les inviter au moins à déjeuner ici. Cela vous eût vraisemblablement choqué plus encore. J'ai préféré les accompagner. » Vous n'avez pas besoin d'employer de si grands mots pour une chose si simple. » André avait eu le temps de se remettre de sa première colère. « Je ne trouve pas simple, » dit-il d'un ton plus posé, « qu'en mon absence ma femme m'accompagne des hommes, fussent-ils des gentils hommes, dans un endroit où sa présence n'est pas sauvegardée par celle d'une autre femme du même monde. Un chaperon, » glissa ironiquement Rose, « un chaperon parfaitement. Je ne trouve pas simple qu'on accepte les chevaux et le déjeuner d'un homme riche auquel on ne peut offrir l'équivalent de ce qu'on accepte. Je n'ai ni chevaux ni fortune, c'est peut-être un tort de ma part. Je suis même convaincu que c'est un tort, mais soyez persuadé qu'il est totalement involontaire et que je m'efforcerai de le réparer. En attendant, je suis décidé à ne pas me mêler à la société de gens plus riches que moi et à ne rien accepter de ce qui vient d'eux. Pas même des visites, fit Rose en levant ses fins sourcils. Si fait, cela je puis le rendre, mais je vous jure que je n'en abuserai pas. Écoutez, Rose, je suis tenue à couvrir de mon nom vos actions si imprudentes qu'elles puissent être. Je vois qu'il est possible que j'y laisse un jour ma vie. À coup sûr, je n'y laisserai pas mon honneur. Vous avez commis une faute. Si je vous désavouais, vous auriez deux fois tort. Pour cette fois, j'aurai l'air de vous approuver, afin que nul ne vous blâme. Mais si, une fois prévenu, vous continuez vos inconséquences, vous ne me trouverez pas de si bonne composition. « Vous me battrez ?» fit Rose, les narines frémissantes. « Non, je ne vous tuerai pas davantage. »« Que ferez-vous alors ?»« C'est mon affaire. » Sur ces mots, il la quitta. Elle resta longtemps absorbée, l'air méchant, les sourcils froncés. « Nous verrons bien, » murmura-t-elle enfin en se levant pour entrer dans sa chambre.